Le porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères a déclaré que l'hostilité américaine à l'égard de la République populaire démocratique de Corée, y compris les exercices de guerre de nature agressive et les menaces nucléaires qui continuent toujours, ne pourront pas éviter la riposte résolue et impitoyable de notre armée et de notre peuple. Son entretien a été traité du 22 au 26 août par les agences de presse, les journaux, les chaînes de télévision et les homepages internet de Russie, de Chine, de Syrie, de l'Iran, de Mauritanie, du Brésil, du Venezuela, du Bangladesh et du Congo démocratique.